France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On peut regarder ce qu'il y a dedans ? La question va se poser tout au long de cette nuit magnétique. Portefeuille, s'il vous plaît. Mais on n'accepte pas toujours d'ouvrir son portefeuille. Trop intime ou sans intérêt. Des pièces administratives, voilà tout. On pourrait aussi s'interroger. Sait-on a priori ce que contient vraiment son portefeuille ? Ou encore, quel genre de personnes peuvent dire sans se tromper et sans l'ouvrir, les yeux fermés, ce que contient leur portefeuille ? Il faut toujours avoir sur soi ce qui est un résumé de sa vraie vie, dit l'un des invités de cette émission proposée par Catherine Soulard le 4 février 1999 sur France Culture. Nuit magnétique, bonsoir. C'est à un moment de ma vie, ce portefeuille, c'est pas... Quand est-ce que vous avez eu votre premier portefeuille ? À quel âge ? À tout petit. Tout petit, oui, j'avais un portefeuille en simili-cuir, en carton. J'en ai eu deux, là, l'un après l'autre, celui-là, où il était en simili-cuir, où il était en cuir de mauvaise qualité, vous savez, des trucs d'Afrique du Nord, que les types qui passaient dans les bistrots et qui vendaient des tapis vendaient comme ça, là. Rouge avec des trous dedans, je le revois encore. Ah oui, j'ai eu des... Ben alors là, quand j'étais petit, il y avait à voir dans mon portefeuille. Ouais, je ramassais plein de trucs dedans. On ira le chercher dans un sac, dans une veste, dans une poche, tout près du cœur, sur une fesse ou dans les mains. C'est juste pour montrer le cuir, hein. Je vais pas ouvrir le portefeuille. À la banque, il est usagé, mais il est de très belle qualité. Et ça, c'est important, le toucher, c'est l'allure du portefeuille. Je vais vous décevoir, je suis pas un très grand amateur de portefeuille. Il se trouve qu'on me l'a donné, donc je l'ai pris, mais je n'en avais jamais eu. Donc maintenant j'ai un portefeuille, mais je ne sais pas très bien quoi en faire. Vous voyez, il y a des tickets de métro, une carte bancaire, des bouts de papier. Puis voilà. Et on peut regarder ce qu'il y a dedans ? Non. Parce que c'est très intime ? Non. Mais c'est toujours un peu saugrenu. On l'ouvrira, on le feuillettera, on interrogera ses plis, ses replis, ses cachettes. On entrera dedans et on y circulera, en traçant un chemin pour construire des histoires. Je veux bien imaginer que c'est pour toutes sortes de raisons médiocres qu'on a des photos des personnes partout et que de vivre dans un endroit tout blanc avec juste sa personne dedans et puis pas de portefeuille alors et pas de... Oui, pas tout ce bordel autour. Peut-être alors ça suffit comme ça. Peut-être un jour. Je n'ai jamais rien jeté, jamais. Donc c'est ça, votre portefeuille c'est votre maison. Un peu, hein? Je trouve que ça ressemble un peu à la maison, hein? Ça c'est vrai. Avec les choses qui étaient vraiment très jolies, qui ont été marquées par autre chose qui vous semblait important sur le moment. On découvrira des souvenirs, des soucis, des manies, des peurs et des pudeurs, et une intimité. Un portefeuille, ça ne suffit pas pour moi. J'ai un joyeux petit foutoir et il ne tient pas dans un portefeuille. J'ai eu, quand j'étais une femme élégante et ordonnée, j'ai eu des très jolis portefeuilles cloisonnés avec des petites poches pour mettre tout, pour mettre sa carte, pour mettre ses cartes de crédit, son argent, ses pièces de monnaie, son chéquier. Tout ça, c'était très bien comme ça. Quand on voulait vous voler le portefeuille, on emportait tout d'un seul coup, c'était parfait. Ça rentre là-dedans. Là. Ah, là, il y a des photos. C'est mon épouse. C'est mon épouse. Mon épouse a 35 ans. Mon épouse a 25. Mais je n'y ai pas joint la photo de mon épouse à 45. Ça, c'est mon épouse. C'est mon épouse à 2 ans. C'est vrai ? Oui. À 2 ans ? 2 ans. La même à 2 ans, mais vue de dos. Oh, elles sont adorables, ces photos. Décrivez-les là un peu. Bon, qu'est-ce que je décris ? Mais si, elle est en robe de chambre. Oui, elle est en robe de chambre, bien sûr. Et elle était facilement sauvage. Dès qu'on essayait de la prendre en photo, ses grands-parents me l'ont raconté. Et avec ravissement, ils m'ont donné cette photo où elle tourne bride et s'enfuit devant le photographe. C'est une petite photo en noir et blanc, carré. Alors ce qui est très amusant, c'est que le pied droit, elle ne marche pas pour s'en aller, elle court. Le pied droit soulève le bas de la robe de chambre, on a l'impression de mouvement, de vitesse. Des papiers, des photos, de l'argent, des secrets, des babioles et des banalités. Des choses qui paraîtront n'avoir ni queue ni tête. Mais on regardera même ce qu'on ne voit pas. Vaillant disait, à partir de 50 ans, on juge un homme sur son visage. Ce qui est vrai et un peu injuste quand même. Mais on pourrait dire qu'on le juge aussi sur son portefeuille. C'est votre visage ? Oui, j'aimerais que ce soit mon visage, enfin tel que je me vois, un peu austère, un peu sarcastique, un peu riant jaune de tout ce qui arrive, de pas drôle dans la vie. Et puis absolument passionné par l'écriture, ne pensant qu'à ça. C'est un livre d'ailleurs. Oui, ça peut être pris comme un livre. Alors il y a la première et la quatrième de couverture, avec le prière d'insérer, et puis à l'intérieur on glisse des choses, et on les lit selon l'envie du jour. Portefeuille, s'il vous plaît. Catherine Soulard, Anne-Pascale Desvignes. Qu'est-ce que c'est, un portefeuille ? C'est quelque chose en cuir dans lequel on met les papiers d'identité, les photos. Ah oui, oui, oui. Oui, j'en ai. Il est immense. Là, aujourd'hui, vous l'avez dans une situation très rare, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé. J'étais tellement nerveuse au théâtre l'autre jour que j'ai vidé le contenu, j'ai collé sur le miroir de ma loge les coupures de presse que j'avais sur Kate, une très belle photo d'elle. Alors, j'avais ça plus les photos qu'elle avait fait de Charlotte sur la plage en Bretagne et un autre de Loulou dans ses bottes en cuir. Et, alors leurs coupures de presse, je les collé sur mon truc ici. Non. Oui, enfin, j'ai le... Les funérailles de mon père. Une photo de Lola. Ah, c'est une lettre de papa. Alors, je les ai photocopiées, ces lettres, comme si on les envoyait tous les jours. Home, Saturday. My dearest darling, only a keep in touch letter, and I'm sad not to be with you. But lo, the voice of the turtle will soon be heard in the land. Son grand-père était un clergyman. Donc il y avait toujours des mots bibliques extrêmement drôles. Et longtemps, je pensais que c'était le voix de la tortue va être entendue dans le pays. Je me suis dit, je ne savais pas que des tortues parlaient. Mais en fait, c'est les tourterelles. Donc, chaque fois que c'est un peu hiver comme ça, il m'a envoyé une lettre. Ça doit être exactement de la même époque, curieusement, que maintenant. Et c'était une lettre juste pour dire coucou et d'être triste de ne pas être avec moi. Mais la voix de la tourterelle va être bientôt entendue dans le pays. Ça, c'est... Ah, dis donc, c'est des pompes funèbres pour chiens. Est-ce que vous pensez, Franck Venaille, que les héros, les poètes et les saints ont des portefeuilles ? Les héros, les poètes et les saints. Alors, je vais dire une énormité d'emblée, étant donné que je me considère à la fois comme un héros, un saint. Et le troisième, c'est quoi ? Un poète. Un poète, oui, oui. Oui, c'était un oubli. Non. Alors, le saint, ce serait pour mettre quoi ? C'est son auréole qui plierait. Et non, ce serait la liste de ses bonnes actions. Le poète, c'est pour mettre tout simplement des extraits des bribes de poèmes de textes et de poèmes en cours, ce qu'on prend comme ça dans la rue, dans le métro, sur le ticket de métro, puis qu'on casse dans son portefeuille, ce qu'on entend au café, pas au comptoir, hein, mais au café, quand on est dans un coin caché derrière un grand journal et qu'on observe les autres et qu'on ouvre grand ses oreilles. Et puis le saint, ça serait un certain nombre de, oui, de bonnes résolutions. Ce ne serait pas des images pieuses, bien sûr, mais peut-être une liste de, oui, de bonnes résolutions. Moi, je passe, comme tous les écrivains, je passe mon temps à écrire, bien sûr, là-haut, à ma machine. Mais avant de se mettre à la machine et de vraiment taper, c'est passé par... Oh oui, des dizaines d'annotations, de réflexions. Et alors, moi, j'ai des sortes de boîtes en carton dans lesquelles se trouvent des textes publicitaires, des billets de train, des publicités pour un hôtel, des choses comme ça, puis des notes. Et à un moment, je sors tout ça. Donc, ça transitait par le portefeuille. Je sors tout ça, je l'étale, je le regarde. Et je commence à écrire dessus en le trahissant une fois encore. Ce qui fait que la réalité est trahie deux fois, déjà dans un premier temps en ramassant, en faisant un choix, hein, et dans un deuxième temps en interprétant ce choix. Alors comme ça, il y a tout un jeu, je ne sais pas s'il est subtil, mais de toute façon obsessionnel, et voire, oui, c'est pas gênant de le dire, quasiment névrotique. Il y a tout un rituel de l'écriture auquel je suis très très attaché et dont le premier stade, eh ben justement, c'est ce portefeuille pour arriver alors au stade le plus ultime, le magnifique, c'est la page 21-29 remplie de textes alignés à gauche et à droite. Là, c'est le côté noble. Ai-je eu un jour, peut-être, un portefeuille immense à poche, à souffler, à recoins, un mystère? Un tiroir oublié dans une armoire ancienne, une trappe à secret, comme un nid, une maison. Ça, c'est génial, comme ils sont très bien. Ça, c'est ma mère. Oh oui, j'ai gardé un coupeur de presse d'elle à sa plus grande beauté. Un fax de Charlotte et de Serge, février 91. Et Serge qui dit dictation, c'est Charlotte qui écrit. L'hôtel est plein de American Juicy Fat Pigs. I'm already bored. Je m'ennuie déjà. Aussi furieux parce que je peux pas mettre mes jeans dans le salle à manger. Serge. Et petite Charlotte qui écrit pour moi quite okay. Surtout d'être avec Serge qui le boit seulement de l'eau de mer. Trop mignon. Photo de Ben. Trop, trop chou. Et puis ça, je voulais acheter un jour, mais paraît-il, c'est un type qui est très, très cher. Mais j'avais trouvé ça tellement beau. C'était un peintre. On dirait du bacon. Un homme nu, formidable. Où est Lou? Lou qui me donne une adresse de tout, les numéros de téléphone de tous ses copains, si je la paume. Maman. Oh, Spikey sur la plage en Bretagne. Petite Lou, bonne nuit, maman. Combien de bonnes nuits maman en a eu dans notre vie? C'est trop gentil. Encore des fax. Oh, une chanson que j'ai jamais osé envoyer à quelqu'un. Je ne trouvais pas trop mal. Je ne crois plus en nous. Vu par tes yeux, je ne suis plus celle à qui l'on écrivait. Je t'aime sur les sous verts. En papier, à qui l'on disait si on se mariait, je ne crois plus en nous, tu as mis à l'écart les adieux à la gare, voyageant seul, me disant plus nous, je ne vomis plus à l'idée de toi avec un autre que moi, je m'attendrai plus à la vue de ton corps. Je on a dedans des choses qu'on n'aime pas perdre parce qu'elles sont difficiles à refaire. Pas voir ce qu'elle ne se fait plus. Ensuite, il y a des choses qu'on laisse traîner, il y a des objets fossiles dans les portefeuilles. Il y a parfois chez quelqu'un un entrefilet de journal, un vieux ticket de cinéma, des choses aussi bêtes que ça, qu'on garde. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à jeter. Même quand on regarde son portefeuille, on dit non, je le laisse. Pourquoi? Mais si on ouvrait ce portefeuille, on parviendrait à vous connaître un peu? Oui, il y aurait évidemment immédiatement des signes. Par exemple, regardez. Je viens de recevoir hier, Voilà, je viens de recevoir hier une carte d'invalidité. Alors, le mot est terrible. Hein, on voit ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Alors on se dit, mais pourquoi il a ça, cet homme apparemment en bonne santé? Et alors, vous pourriez, à partir de là, faire de nombreuses déductions. Parce que c'est pas la vie de quelqu'un qui existe. C'est vraiment le... Imaginez le portefeuille d'un personnage de fiction. On ferait un petit jeu de société pour étudiants en littérature, de constituer le portefeuille de je ne sais quel héros de la littérature moderne. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des sensations, des moments de vie, des petits bouts, des cailloux, des poussières, des choses essentielles, oubliées, qui sont là, cachées, éparses, intimes, profondes et spacieuses. Portefeuille de mon père, portefeuille de ma mère, ouvert et désossé, qui sont là, devant moi, à moi maintenant. Portefeuille pour m'enfouir, pour revivre, pour faire vivre. Ah ben ça, c'est encore Guillaume. C'est une photo que j'aime beaucoup, parce que c'est celle de sa première rentrée scolaire. Il a tout son fourbi dans un sac en plastique, son étiquette accrochée à son t-shirt, et vraiment là, vous ne trouvez pas, j'y vais pas, enfin. Et cette photo, qu'est-ce que je veux dire, éveille toujours ma mauvaise conscience, parce que je n'étais pas là le jour de sa première rentrée scolaire. Je m'en suis toujours voulu. Bon. Donc ce portefeuille, c'est presque comme un tiroir, un nid? Oui. Ah, j'aime beaucoup l'idée du nid, parce que j'ai beaucoup parlé des oiseaux dans ce que j'ai écrit. Je me suis quelquefois pris pour un oiseau. Le désir de voler au-dessus de la ville, le désir d'être libre. Ce que j'aime beaucoup chez les oiseaux, c'est que ce sont des êtres qui font confiance. On n'imagine pas un oiseau se méfiant. C'est pour ça d'ailleurs que l'animal que je hais le plus au monde, c'est le chat. Parce qu'il les bouffe, alors qu'ils sont confiants. Et ça, je trouve que c'est un microcosme, un raccourci de la vie qui me peine. Donc un nid, oui, hein, le portefeuille serait un nid. Mais alors un nid très, très, très lié au corps. Je pensais ces jours-ci que pour un homme, hein, parlons d'un homme, c'est peut-être ce que je connais le mieux. Enfin, je suis censé le connaître le mieux. Pour un droitier, le portefeuille est à gauche, dans la poche, près du cœur, contre le cœur. C'est-à-dire quand on sort son portefeuille, on ne sent pas, mais enfin, il y a la présence comme ça du cœur à longueur de temps contre le portefeuille. Et puis l'été, quand il fait lourd et chaud, et qu'on sort son jean, on met le portefeuille dans la poche droite du jean, et donc il est serré contre les fesses, il prend la chaleur, il prend un mot que j'aime pas, la transpiration, il faut bien le prononcer. Donc il y a un côté comme ça, sexuel, ça serait beaucoup dire dans c'est quoi un objet, hein, charnel. Oui, mais charnel, oui. Par opposition, peut-être, alors moi, j'aime pas opposer les hommes aux femmes, parce que je trouve ça, enfin, les entités comme ça, je trouve ça ridicule, mais par opposition au sac de femme, que j'ai cru remarquer, qu'une femme tient assez éloignée de son corps, à bout de bras, et dans lequel il y a tout un capharnaüm, que je trouve absolument magnifique d'ailleurs. Je suis fasciné par le contenu des sacs de femme. Et ça serait une autre histoire, mais je l'ai traité il y a bien longtemps. Les sacs de femmes et les corbeilles à papier des hommes et des femmes, et les petites poubelles de salle de bain des femmes, qui sont en fait remplies de secrets. Et si on était plus attentif à ces poubelles, à ces corbeilles à papier et à ces sacs à main, on aurait une vision complète et extrêmement précise de la vie d'une femme. Et je parle de ça parce que c'est lié aux réflexions que je me suis donné le luxe d'avoir sur l'espionnage. J'étais fasciné par l'espionnage. Et je trouvais que les trois endroits où on connaissait les, où on pouvait trouver la vérité, c'était ce dont j'ai parlé. Donc on peut penser que le portefeuille tient lieu aussi de poubelle. Des ordonnances. Oh, ça c'était génial. Région de police de Limoges, service régional de police de sûreté. Signalement. Ginsburg Joseph Bata, de Constantinople, ce qui est faux, il était russe. Pianiste, domicile, dernier lieu à Limoges, objet d'arrêt d'internement de la préfecture de région de Limoges. Circulaire, individuel recherché, Olga Besman. C'est la maman de Serge, nationalité française par naturalisation, même domicile. En cas de découverte, les sous-nommés sont conduits à la permanence de la police de Limoges et auraient lieu d'aviser les tendances de maintien de l'ordre cabinet-service des internements. Voilà, c'est 22 juin 1944, individuel recherché, juif. Sympa. En tout cas, très intéressant, c'était la personne qui fait des bouquins sur Sage, qui a donné ça à sa sœur Jacqueline, qui me l'a donné. Oh, ça donne froid dans le dos. 10. Hein? Ah oui, ça c'est Lulu qui essaie de me faire apprendre un jeu de cartes. 10, ça fait rejouer. 7, ça passe le tour du prochain. 8, ça change de couleur. Valet, ça change de sens. 2, on pioche. 1, on pioche 2 cartes. Et si c'est le même chiffre, peut mettre... Oh, dis donc, je ne suis pas prête à le connaître, ce jeu. Mon frère. Mon papa, ma sœur et mon frère. Petit-fils Roman. Charles était loup quand ils étaient tout petits. Le plan pour chercher... Ah, ça c'est papa qui sauvait des gens de l'analyse. C'était son plan pendant la guerre. Maman m'a donné ça l'autre jour. Ça c'est Angleterre par là et c'est par là qu'il fallait qu'il pique les nuits sans lune pour arriver à ramasser les gens là et là. Il a fait une 60aine de missions et là ma maison se trouve exactement là. Il ne savait pas que j'allais acheter exactement là, en face de son croix, là. Ah. Formidable, quand même. Je suis exactement là. C'est le même papier qu'il avait. Oui, c'est ça. Oui. Maman a dit, oh, ça devrait... Je devrais te le donner, parce que, tu vois, ça s'est piqué en nord du Brest. Et il avait écrit... Il avait mis ça quand il avait 25 ans. Et moi, les années après, je me suis mis à la... Le point exact où il était. Et lui partait de Falmouth pour ramasser les gens. Un passeport, ça tombe bien parce que je retourne en Angleterre. Lundi, des dessins de Lou. Et puis tout ça archi propre grâce à Lou qui a remis mon... qui est en train de réimprimer mon calepin. Parce que c'est vrai, Charlotte me l'a fait une fois. C'était la plus jolie chose qu'un enfant... peut se faire à sa pauvre maman qui perd les adresses et qui ne sait plus s'il faut mettre les gens qui sont morts. Est-ce qu'on les remet ou est-ce qu'on met une croix à côté ou est-ce qu'on les enlève? Moi, ça me fait de la peine de les enlever. Donc, j'ai continué à renoter leur numéro de téléphone, ce qui était complètement con, mais j'arrivais pas à faire autrement. Les enfants sont beaucoup mieux. Ils font ça beaucoup mieux. Tout ça, ça vous suit partout. Ah oui, hein? Ça. Vous fourguerez ma bagnole aussi. Ça m'a toujours fait peur de vieillir avec la même voiture. Alors je change sans arrêt pour éviter le piège. Avec toi, j'ai pas beaucoup changé de voiture, mais avant tout le temps, dès qu'elle était jolie, dès qu'elle risquait de devenir la voiture de ma vie. Il y a votre rôle dedans ou pas? Oui, oui, il y a lui et moi, comme ça, quand je prends mon bain, je l'écoute. Je l'écoute, Thierry. Et vous vous rappelez que dans cette pièce-là, oui, ce que vous dites à un moment? Pas tout, j'ai intérêt, je le fais ce soir. Oui, oui, mais non. Ça serait catastrophique. Mais à un moment, vous dites, t'as même plus ma photo dans ton portefeuille. Tu as raison. Et en plus, mais ce que j'ai écrit en gros dans mon scénario, c'est... Attends, je vais te le montrer. Justement, portefeuille. Aïe. Wallet, en anglais. Wallet en anglais. Je suis un peu pression. C'est là. Alors, son pull rouge, lettre, je veux tout changer. Voilà, ça c'est son truc qu'il dit, tu me fais peur. Si on peut tout changer, c'est juste avant la crise quelque part. Ah oui, des lettres, voilà. Tu n'as plus... Comprends ma déception. Tes lettres, j'ai tout gardé, toi rien. Ouais, regarde. Tu as même plus ma photo dans ton portefeuille masculin. Chercher. Parce que j'ai misé ta portefeuille. Tu n'as plus ma photo, tu as ta fille, ta mère et ton permis de conduire. Voilà. Et moi, j'ai tous ces lettres. Mais... Ouais, je m'en souviens. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, en fait. Contrairement à beaucoup de choses dans la pièce, je n'ai jamais fouillé dans un portefeuille. J'ai tombé une fois en pensant que je cherchais un billet de... Je croyais... Je voulais 50 francs pour acheter des journaux à Venise. Et j'ai mis mes mains dans la poche de la personne. Et puis j'ai trouvé un billet de théâtre d'une chose que je ne savais pas qu'il avait vue. Ça fout bizarre, ça. Faut pas mettre les mains dans les poches des autres. Jamais. Faut résister. C'est un paysage qui s'ouvre, condense, soutient. Une béquille pour sortir et aller dans le monde. Pour l'allure et pour la liberté, un chemin. Vous savez ce qu'il y a dedans, sans regarder ? Ah oui, oui. Il n'y a pas de secret. Il y a le côté social, d'abord. Alors, tout ce qui est obligatoire et... Et un peu pénible, carte de crédit, carte d'identité, et puis l'aspect intime, qui de loin est le plus intéressant. Alors on va ouvrir le portefeuille, comme ça d'abord, comme vous le voyez, c'est un portefeuille qui est absolument mangé au mythe. En fait, c'est un des portefeuilles de ma femme qu'elle m'a donné il y a au moins 10 ans, quand elle avait jugé qu'il était déjà usé pour elle. Alors, moi je l'ai. Donc, il est noir. Il a 1, 2, 3, 4 poches. Et puis, la poche centrale, on met les billets. Alors, déjà, les billets, ici, là, dans la grande poche centrale, premier fait, déjà, pour ça, un fait, simplement, c'est que ce ne sont pas des billets français, ce sont des billets belges. C'est-à-dire que pour moi, dans l'absolu, ça veut dire que le jour où j'ai trop de nostalgie, où j'ai envie de voir la mer du Nord, dans les Flandres, où j'ai envie de partir. Il suffit que j'aille à la gare acheter un billet, que je paye avec ma carte de crédit, et puis j'ai directement mon argent belge. Donc j'arrive sur place, et je peux vivre, je peux acheter ce dont j'ai envie. Je peux aller boire une bière en sortant de la gare, me promener. Ça, c'est très important. Donc, c'est le rêve qui est présent en permanence. Parce que pour moi, la Belgique, c'est le rêve, puisque c'est le pays où j'ai décidé que j'étais né, alors que je suis né à Paris. J'ai décidé que j'étais né à Ostende, dans les Flandres, que j'étais un écrivain flamand de langue française. Donc, j'ai cette part de rêve, de mystère, comme ça, qui est constamment dans ma poche, contre le cœur ou sur la fesse, comme on vient de dire. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a ? La part sociale aussi, c'est les photos de mes petits-fils, des photos de ma fille. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, voilà. Le plus important pour moi, enfin, à chaque fois, tout le monde me le fait remarquer, c'est qu'il y a des trombones dans mon portefeuille, des trombones que je ramasse. J'achète jamais de trombones. Je trouve que la société, j'achète jamais de trombones et jamais de papier, de papier blanc 21-29. Je trouve que la société peut quand même collaborer à mon œuvre. Et donc, je demande des trombones aux amis. Quand je vais à des réunions, je m'empare des trombones qui traînent sur les tables et j'en ramasse dans la rue. Et je me suis demandé... Bon, j'ai ces trombones. Là, il y en a 6, mais parfois, il y en a une dizaine. Il y en a ici, partout. Je me suis demandé d'où ça venait. Parce que je me suis dit, ça peut pas être quand même entièrement gratuit. C'est ta passion pour les trombones. Pour ramasser quelque chose comme ça. Et alors j'ai pensé à une chose extrêmement forte pour moi. Mon père était officier de police principale. C'est-à-dire qu'il avait un très beau costume noir, tout en noir, avec des feuilles de chêne et des galons blancs, le képi entouré de feuilles de chêne également. Et quand il partait travailler à des heures très très étranges de la nuit ou du jour, Ma mère lui courait après dans le couloir de l'immeuble avec une brosse à vêtements pour donner un dernier coup sur sa veste pour éviter qu'il ait une pellicule ou quelle horreur, ou une petite poussière. Donc c'était l'image même de la netteté et de la force, hein, puisque bon, il représentait la puissance policière. En même temps, comme c'était un homme très, très compliqué et qu'il était entré dans l'administration seulement à 30 ans, avant il avait eu une autre vie très différente puisqu'il était menuisier. Donc il y avait l'amour du bois, des outils, des vis, des boulons, des pointes. Et mon père, le matin ou le soir, partant ou rentrant du travail, dans ce grand uniforme noir, avec cette espèce de décoration sur les manches et sur le képi, ouvrait les poubelles dans notre quartier du 11e arrondissement, les poubelles, les grosses poubelles métalliques, pour voir s'il ne trouverait pas, comme le quartier était rempli d'artisans, des outils usagés qu'ils avaient jetés, que lui réparait, et surtout des pointes, des vis, des boulons qui nettoyaient, qui retapaient, parce qu'il avait un atelier dans la cave de l'immeuble. Et donc je me suis dit qu'au fond, moi, j'ai compris ça un jour, je me dis, ben voilà, t'es en train d'imiter ton père en ramassant quelque chose qui est lié à ton métier, et qui est lié aussi à une espèce de... peut-être de fantasme, comme ça, difficile à expliquer, sur ce que la société nous devrait, sur ce que la société doit être en mesure de nous donner directement. Alors moi, c'est modeste, ce sont des trombones et des feuilles de papier. Et alors ça m'a plu de ressembler à mon père, parce que, comme je lui ressemble extrêmement peu, je me suis dit, ben, au moins, tiens, on a eu cette attirance, comme ça, pour les petits objets métalliques, pour ramasser. Et c'était la grande honte de ma mère, qui disait à mon père, mais Paul, comment peux-tu, si tu étais vu, parce qu'il partait extrêmement tôt le matin, vers 5 heures, donc il n'y avait pas grand monde dans les rues, mais elle lui disait, si tu étais vu par quelqu'un en train d'ouvrir les poubelles et de fouiller dedans comme un clochard. Et mon père disait qu'il s'en moquait royalement, donc il ramenait des marteaux cassés en deux, alors il refaisait le manche, il nettoyait, enfin j'ai vu toute ma vie bricoler comme ça. Vous avez un petit moment là pour nous emmener sans voir problème, le, ouais, ouais. Le coin des portefeuilles. Alors il y en a, peut y en avoir à plusieurs endroits, non, puisqu'ils sont classés déjà selon où ils ont été retrouvés, ou en commissariat, ou dans les transports en commun. Et après, ils sont rangés selon ce qui est retrouvé dedans en fait. S'il y a de l'argent, ils sont rangés dans un endroit à part, et sinon... Et tous les portefeuilles de Paris, des Hauts-de-Seine, se retrouvent ici, 36 rue des Morillons. Oui, Paris, donc 75, 92, 93, 94. Bon, alors refaites-nous le trajet d'un portefeuille qu'on trouve dans la rue. Comment il vous arrive ici? Alors généralement, il peut être déposé au commissariat, ouais, par la personne qui l'a retrouvé, ou déposé ici même. Et le commissariat nous les dépose une à deux fois par semaine. Donc ici, ils sont enregistrés. On vérifie si on a moyen d'identifier le propriétaire. Et selon ce qu'on trouve dedans, bah après, il est enregistré, classé, rangé dans un endroit. Donc ceux qui ont de l'argent, à partir de 50 francs, sont rangés dans ce qu'on appelle le bureau des valeurs. Et les autres sont classés avec les objets. Et généralement, tous les portefeuilles sont identifiés. Généralement, il y a toujours au moins un nom dans un portefeuille. Une pièce d'identité, carte bancaire. Eh bien, on va aller voir. Ça marche. Ouais. On va passer par là. J'ai dû avoir un jour, peut-être, un coin de monde très vaste, regorgeant de détails. Un mini jeu de cartes, parce que je perds plusieurs heures par jour à faire des réussites. Donc je me trouve. Pardon. Bon. Oui. Il s'ouvre? Ah oui, non, c'est un vrai. Vous le faites avec celle-ci? Oui, c'est petite, ouais. Oui. Mais quand? Ça dépend, quand j'attends dans une salle d'attente, quand j'attends un rendez-vous, quand j'attends... Ou alors, pour savoir si ça va bien se passer, je tire une petite carte pour voir si c'est la bonne. Ah, il y a plein de trucs magiques, hein? Ah, il y a pratiquement que des trucs magiques. 100 francs, parce que je n'ai jamais plus de 100 francs en argent liquide. C'est quand même un porte-carte très sérieux. Avec, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un permis de conduire. Je sais pas ce que j'ai. Ah, une photo. Ah, une photo, ça c'est coupé. Coupé, oui. Pourquoi est-ce qu'elle est coupée? Je ne sais pas. Ça, c'est Guillaume Bébé. Où c'est, à la mer? Oui, je crois qu'il était. Il était chez sa grand-mère, devant le port de plaisance de Toulon. Oui, on disait derrière que c'était son yacht. Il nous jouait les petits milliardaires. Alors là, c'est tous les objets qui ont été ramassés sur donc les transports en commun, RATP, SNCF, bus. Donc dedans, il y a forcément des portefeuilles. Il y en a ce matin, par exemple, qui sont ouais, arrivés. Oui, on va regarder dans les. Ben voilà, oui, il y en a. Alors, on peut retrouver dedans pièces d'identité, bien sûr, cartes bancaires, divers documents, des cartes de sport, de cartes d'étudiants. Et puis, il y a des petits objets, bien sûr, plus anodins aussi, qui sont retrouvés, plus anecdotiques. Quoi ? Bon, préservatifs, bien sûr, photos de famille, photos diverses. De la drogue aussi, oui. Bijoux. Médicaments, oui, exact. Cartes familiales nombreuses. Adhérents à des clubs de sport. Ah oui. Et ça vous gêne pas, là, de l'ouvrir? Il y a toute une vie, là, qui s'étale, là. Oui, exact. Dans les portefeuilles, moi, je le ressens un peu. C'est pas toujours évident. Hein. Elle est obligée de le faire, c'est notre travail. J'essaie de mettre le plus de renseignements possible. Et c'est clair qu'un portefeuille, ben, c'est la vie de quelqu'un. Ouais. Oui. Et donc là, on met tout ce qu'il y a dedans. Hein. Tout est détaillé, voilà. Ouais. Même ce qui vous gêne, vous mettez tout, quoi. Ouais. Tout ce qu'il y a. Oui, quoi. Oui. En effet, dans les photos. Dans les photos. Mais alors, vous mettez quoi? Photos. Mais par exemple, en photo, bien sûr, tout à l'heure, on me disait qu'on a retrouvé justement la photo d'une petite fille sur son lit de mort. Diverses photos SM, bien sûr, aussi, on s'en doute. SM sadomaso, schiste. Photos de famille aussi, bien sûr. Vous avez jamais trouvé un portefeuille dans la rue? Non. Qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Je me poserai des questions. Ah voilà, vous l'avez en main. Vous l'ouvrez ou pas, déjà? Ah oui. Je l'ouvre et je regarde s'il y a une adresse pour pouvoir le rendre. Et puis je regarde, puis si c'est bourré de fric, s'il y a une brique dedans, là je me pose des questions. Si il y a moi, non, je la rends. Je le rends. Moi j'ai eu plein de copains, ils mettaient leur fric dans les poches, comme ça, même les poches. Ah moi, non. Non, il faut que ou au moins le portefeuille, il est pris dans des trombones ou des trucs comme ça, les billets. Mais on fait pas ça à poignée dans la poche, non. Ah non, très respectueux. Oh. Oui, parce qu'ils sont beaux là quand même, hein. Ils sont pas chiffonnés, c'est tous des 200 francs, dans l'autre aussi, dans le vieux. Oui, ils sont bien rangés, bien en place. Ouais. Quatre photos là de Stéphane. Écoutez, un peu de discrétion. Il y a quatre photos de votre épouse à des âges différents. C'est un peu comme. En fait, c'est votre côté archéologue là qui ressort. C'est pas impossible. J'aime tenir assez solidement le fil du temps, c'est vrai. Le don de ces deux photos qui sont charmantes, enfin qui n'ont pas. Ce ne sont pas des œuvres d'art, mais ce n'est pas le problème. Le fait de recevoir ces deux photos a été pour moi une joie extrêmement forte, extrêmement profonde. L'enfance, le passé de ma femme, tenir sous une forme évidemment symbolique ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a été autrefois dans sa petite enfance, c'est beaucoup. Je trouve que c'est un paquet assez riche que je tiens dans ma poche avec moi en permanence. Depuis que je la connais, je ne crois pas m'en être séparé. Elle sait que vous les avez, ces photos-là? Oui, elle le sait, mais elle est toujours un peu étonnée quand elle le sait, elle s'en souvient. quand je sors les photos, en tous les cas de sa petite enfance, et c'est ma femme a été mariée une première fois, elle a un fils, qui aujourd'hui a 27 ans, et c'est une moquerie que mon beau-fils, que j'aime beaucoup, ne loupe jamais. Si vous voulez des photos de maman-enfant, il faut demander à son mari. Alors évidemment, là, il y a un moment de surprise chez les interlocuteurs qui se demandent quel est le zèbre qui s'intéresse à la petite enfance de son épouse. Et vous accepteriez qu'on regarde justement là, là-dedans? Oui, mais ça jusque-là, s'il y a des choses que je ne voulais pas, je les ai passées dessus. Quand on regarde les autres choses, oui, ça va, parce que c'est des choses dont je suis fière, des photos de mes filles pour lesquelles je suis fière. Oui. Spike, t'es un voyou, repousse-le, parce que lui, il est une sorte de... Il est un voyou, le chat, c'est un serial killer. Reste là. Va prendre le chat, Va-t'en, Spike. Moi, je pensais qu'avec le portefeuille que vous avez là, par exemple, on peut ne pas s'embêter aussi. Parce que vous regardez tout ça. Ah oui, mais ça me réconforte. Ça me réconforte. Vous le sortez de temps en temps, vous le relisez, vous le regardez. J'aime savoir que c'est là, tout. Ouais. Tout, mes lettres, leurs photos. C'est vrai que si c'est relativement propre là, c'est parce que je me sens un peu divisée. Mais ça me manque ce que j'ai enlevé, ce qui était quand même 2 tonnes de photos de Kate et Charlotte et Lou, qui sont dans ma loge. Après, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de les voir près de la glace. Je préfère les avoir dans mon portefeuille, parce que comme ça, les gens qui les connaissent pas, je les montre. Je suis fière. Je suis fière de Ben. J'aime le montrer. Et puis, parfois, ça me réconforte beaucoup de relire mon père. C'est comme si je viens de recevoir la lettre. C'est pas grave que ça soit les années après. C'était maman qui a fait ça très gentiment. Elle m'avait envoyé par fax une lettre de papa, comme s'il venait juste l'envoyer pour une pièce ou pour une chose qui m'était arrivée, je ne sais pas. Quelque chose de réconfortant qu'elle avait trouvé dans un tiroir, c'était papa. La chose qui manque là dans votre portefeuille, enfin, c'est vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pouvez pas partir tout d'un coup à... Moi aussi, regarde. Non, c'est mes somnifères, les vitamines. Un morceau de bois qu'Olivier m'a donné. Mes somnifères, des briquets. Oh, ma carte bleue, ça y est. Ah, voilà, un peu d'argent. Voilà, c'est bon. Ma carte bleue, mais ça ne va pas être bon longtemps si je t'emballe comme ça. J'avais un chic truc pour le mettre dedans. Mais je le remets. Ah si, voilà. Sauf que j'avais papa dedans aussi. Ah ben oui. Mais oui, mais il est... l'enveloppe n'est plus là. C'est un petit portefeuille bis, ça. Oui, mais ça, c'était un cadeau de quelqu'un. Donc, je le garde. J'aime pas beaucoup des trucs où on garde des choses. Mais c'est vrai que si on s'assoit sur une carte bleue trop souvent, il finit par plus entrer dans la machine. Mais là, j'avais aimé surtout l'idée qu'à côté de ma carte bleue, j'avais des cendres de papa. Ça, j'aimais bien. Mais maintenant, je ne sais pas où j'ai paumé les cendres de papa. Il est partout. C'est très bien. Mais bon. Il y avait des cendres là ? Oui. Là ? Dans une enveloppe. Mais je l'ai sorti pour les toucher l'autre jour et je me demande si je ne sais pas. Mon frère m'a donné encore un petit morceau parce que lui, il met un petit morceau de papa partout où il va. L'autre jour, il m'a dit, je vais au Himalaya, je vais emmener papa. Et je me suis dit, ça y est, un jour a perdu la boule. Et puis pas du tout, il a emmené des petits morceaux de papa granulés qu'il mettait en haut de la montagne. Et puis il garde un petit peu pour la lune, parce que c'est sûr qu'Andrew va aller à la lune, parce qu'il est un astrophysiciste, tout à part d'être un écrivain et un metteur en scène. C'est un génie, ce garçon. Mais c'était mignon, il emmène papa partout, comme ça. Dans tous les pays qui n'avaient pas pu voyager dedans, il y est. À cause d'Andrew, grâce à Andrew. Et je trouvais ça assez bien, finalement, après tout, d'avoir son père avec soi. C'est très bien. C'est très bien. J'admire les personnes qui ont vraiment rien. Moi, le maquillage et des trucs comme ça est arrivé d'être pratiquement minimaliste. Mes boules caisses me semblent les faire si je me trouve vraiment sans ma clé, qui quand même arrive assez souvent. Il est quelque part avec un morceau de bois de Pierre Dux, mon partenaire Pierre Dux, c'est un grand merde. C'est épouvantable d'écrire. Il devrait avoir un bip dessus, je ne sais pas. C'est pas vrai. C'est bien que je l'ai trouvé. Vider de temps en temps. Mais oui, je suis obligée de le vider, mais assez souvent pour trouver mes clés. Oh bah ça y est, écoute, je ne sais qu'à n'y voir rien. Peut-être j'ai mis dans mon cardigan. Attends, j'attaque Swaggy. Je vais l'enlever parce que... Ouais. Swaggy, viens. Come, Swaggy. À manger. Il est plus rattaché à l'enfance ou à l'âge adulte, ce portefeuille? Parce que entre les trombones, les petites choses là, comment ça s'appelle, des macarons, oui. Hein, de foot, oui. On pourrait penser à un petit garçon, mais ah oui, vous n'aviez pas ça quand vous étiez petit? Non, enfin si j'avais, oui, si j'avais... Quand j'avais 12 ans, j'allais voir jouer le Racing Club de Paris, qui jouait dans le vieux Parc des Princes, et je conservais sur moi les photos des joueurs, quelques articles. Donc c'était l'équivalent de ça. Et puis ensuite, c'était ma grande passion d'adulte pour le Red Star. Ou alors là, j'ai traîné pendant des dizaines... des dizaines d'années, des archives intimes sur le club. Et quand je dis intime, c'était loin d'être intime. C'était un billet d'entrée, par exemple, pour un match, que je conservais 2-3 ans, parce que pendant le match, il s'était passé quelque chose qui m'avait touché, qui m'avait bouleversé. Alors je gardais... j'ai fait ça aussi longtemps pour l'opéra, de conserver des billets d'opéra. Dans votre portefeuille? Oui, dans mon portefeuille. Et puis là, j'ai quand même quelque chose. Alors là, ça n'a plus rien du tout d'enfantin. Et évidemment, je l'ai. Alors là, je vais vous surprendre. Hop. Voilà. C'est là, décrivez-la. Je vous laisse le soin de la décrire. C'est une photo. Oui, c'est une photo découpée dans un journal new-yorkais. C'est une très vieille photo. Elle est complètement... mangée par le temps. Et c'est une très belle femme, très très belle femme, avec des lunettes noires, entièrement nue, bronzée, avec les marques du maillot de bain, les côtes apparentes, qui a une pose un peu, déjà en elle-même, provocatrice, et qui tient à la main ce qu'on va appeler par des sens un objet de consolation, donc un sexe d'homme extrêmement long, qui doit faire quelque chose comme 30 cm. Voilà, je le montre. Et donc, j'ai gardé ça parce que... Donc, là, il y a une référence à 84, donc ça ferait 14 ans que j'ai... Oui, probablement. Parce que c'était lié, dans mon esprit, d'abord, il y avait l'aspect, une espèce de pulsion érotique qui est extrêmement forte. Ça jouait sur ce qui m'intéresse beaucoup... La féminité et la masculinité chez la part de l'un et l'autre chez le même individu. Et puis c'était l'époque où je m'intéressais beaucoup à ce qu'on appelait le body art, hein, c'est-à-dire tous ces artistes qui faisaient de leur corps même le contenu de leur art. Alors voilà, cette jeune femme américaine qui est connue, qui est une artiste entre guillemets connue, ne m'a pas quitté depuis 14-15 ans. Et alors, je me dis toujours, s'il m'arrivait quelque chose, on ouvre mon portefeuille et on voit cette photo, et alors je passerai pour un obsédé. Et alors ça me perturbe beaucoup. Et si vous partez avec ce portefeuille, vous avez tout? Absolument. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que... il fallait avoir sur soi en permanence quelque chose qui soit le résumé de sa vraie vie. Parce que une vie de réflexion, de pensée, de travail, d'action, tout ça, bon, il faudrait 25 balles, hein, pour en rendre compte. Donc à un moment, faut faire des choix, et je trouve que le portefeuille, dans sa modestie de taille, de format, hein, implique comme ça une... à concrétiser au maximum ses désirs, ses aspirations, à les ramasser, quoi. Comme si, finalement, on mettait quelque chose dans la paume de sa main, on referme, et il y a l'essentiel de sa vie, là. Alors ça, j'aime bien, ce côté du portefeuille, également. C'est une condensation de l'immensité intime. Oui, de, si vous voulez, c'est le désordre de la vie, le beau désordre de la vie, parce que ça, je tiens à parler de beau désordre, qui est ramené à l'ordre. L'ordre de l'écriture, l'ordre de la création. Et là, c'est le beau désordre de la vie qui est ramené à quelques images extraites de cette vie qui sont un peu comme sous verre, déjà. On a l'impression que c'est une sorte de petit musée personnel que l'on a avec soi. En fait, ça pose le problème de l'intimité, quoi, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de l'intimité, avec sa propre intimité? Dans quelle mesure rejoint-elle celle des autres? Bon, je suis pas le seul homme, évidemment, à avoir, pour parler simplement... Cette œuvre d'art dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une femme nue, tout bêtement. Hein. On peut aussi dire, tiens, c'est une femme nue. Donc il y a des milliers de portefeuilles d'hommes dans lesquels il y a une femme nue, d'hommes ou de femmes, j'en sais rien, dans lesquels il y a une femme nue dans cette position-là, très, très étonnante, avec cet objet. Oui, l'intimité du portefeuille, c'est comme un peu quand même l'intimité de sa pensée. Quand on pense à des choses un peu étranges, étonnantes, dont on a un peu honte, ou au contraire qui excite entre guillemets, ou qui met en avant quand même des idées forces, hein, quand on avance dans la création de son livre, ou qu'on revoit un moment une image de jalousie ou des choses comme ça. Alors là, on est partagé entre la honte, le bonheur, le plaisir, la satisfaction. Et l'intimité du portefeuille, c'est un peu ça aussi, comme si c'était la pensée qui se perpétuait comme ça dans cette chose en cuir, en noir, abîmée. Ça vous plaît, qu'il soit abîmé, essentiel. Oui. Vous savez, j'ai vécu des années, j'avais mes papiers dans une enveloppe. Une enveloppe, quoi. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Et alors, j'avais pas de portefeuille, parce que je trouvais ça vulgaire et dépenser de l'argent inutilement. Et donc j'avais des enveloppes là qui n'étaient pas du tout autocollantes à l'époque, avec le verso triangulaire. Et j'avais ma carte d'identité, de l'argent et des bricoles dedans, comme ça. Oh, mais pendant, je sais pas, 10-15 ans facilement, autour de 30 ans, de 25 à 40 ans, je ne pense pas avoir eu de portefeuille. Et maintenant, vous trouvez plus ça vulgaire? Non. Non, enfin, faudrait pas, mais... Vous savez beaucoup. Je trouve ça louche, les gens nets. La personne qui a dans une petite poche bien rangée la portefeuille, dans le portefeuille, un permis de conduire, je ne sais pas, le numéro de sécurité sociale, des papiers de le véhicule, tout bien rangé, s'il a des chaussures propres et quoi encore, je ne sais pas, des chaussettes neuves, quelle horreur. Après ça, on peut tout imaginer, un slip, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose qui me mettrait mal à l'aise. J'aime bien le... Peut-être parce que peut-être je foutrais une telle panique à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme les personnes qui aiment ou pas le visage de mon chien Betty. Bah, si trouve ça si monstrueux parce que rien ne fonctionne chez Betty. Elle pète tout le temps, elle a une respiration défaillante, les yeux ne sont pas faits pour voir. Donc elle a pratiquement rien qui marche. Il faut aimer des choses qui ne sont pas là pour fonctionner très bien. Ils sont là pour leur beauté esthétique ou leur curiosité ou leur humour. Betty est là pour son humour. Et c'est comme les gens qui aiment le bricolage. Bon, il faut aimer un peu le bricolage si on a des chiens comme Betty et Spike. Et moi, je suis sûre d'avoir une tendance de trouver attractives des personnes susceptibles de nous aimer bien comme ça. Sinon, c'est vrai, il y a des gens qui entrent ici et ça les met mal à l'aise parce qu'ils ont probablement un portefeuille bien net et des chaussettes et des chaussures. Des chaussures neuves et des petits pieds. C'est vrai, non? Voilà, l'attirance vers les personnes qui sont pas trop rangées est vaste. des sortes de professeurs flous. Il y a un type génial sur les télévisions qui est David Attenborough. Lui, c'est lui qui se perche sur l'île de Pâques avec des crabes qui arrivent une fois par an pour déposer leurs œufs dans la mer. Et puis, il faut qu'ils se retirent très, très vite parce qu'ils ne savent pas nager. Donc, c'est une sorte d'entreprise absolument terrifiante avec des milliers de petits crabes rouges qui foncent vers la mer. Et puis, à chaque vague, c'est désastreux. Sans parler des mouettes qui viennent les picoter dès le petit matin. Enfin, une horreur. Ce type-là, je suis sûre qu'il n'a pas de portefeuille. Est-ce qu'on est allé au fond de votre portefeuille? Est-ce que c'est possible d'aller au fond d'un portefeuille? Oh, je crois qu'on est... Enfin, je crois que c'est difficile d'en dire beaucoup plus. En fait, on n'aurait pas de surprise. On aurait une autre photo porno que je ne montre pas et qui est plus intime. D'autres lettres... probablement d'autres photos, notamment la photo de ma mère, la photo de mon père, une photo que j'aime beaucoup, où je suis tout petit garçon avec un ours en peluche dans les bras, au bois de Vincennes, et mon père me tient par l'épaule, il est donc agenouillé quasiment, il a un costume comme on les faisait à l'époque, et... il fumait la pipe et il me prête sa pipe. Alors on voit ce petit garçon blond, joliment habillé, je dois avoir 6 ans, qui a la pipe dans sa bouche avec l'ours dans les bras. Ça, je le trouve très joli. Voilà ce qu'on verrait, quoi. Donc rien de plus, rien de moins. Portefeuille, s'il vous plaît, avec Cécile Barthélémy, Jane Birkin, Maurice Melot, Jean Reznikoff, André Vert et Franck Venaille. Voilà, donc nous, on se promènerait avec ça dans la vie pour se protéger le cœur des agressions intimes. Une peau qui se patine en même temps que la vôtre, ça vieillit avec vous, hein? Oui, quand on devient un très vieil homme, on a aussi un portefeuille à la peau toute craquelée, tout usée, tout usagée, qu'on n'ose plus montrer à qui que ce soit, de même que, j'imagine, quand on est vieux, on se cache dans d'immenses peignoirs. J'ai le désir là de m'acheter un chapeau, quelque chose de très bien. Et donc je me demandais pourquoi j'avais envie de ce chapeau, et j'ai pensé que c'était peut-être pour me cacher aussi. Donc voilà, ça sera un chapeau noir, bien sûr. Claire Levasseur, Bruno Roncière, Anne-Pascale Desvignes, Catherine Soulard. Nu Magnétique, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 février 1999.